Faut que je te raconte. Hier, je vais sur Direct Assurance. Dans l'heure qui suit, ma voiture est assurée. Mais quand je monte dedans, mon téléphone sonne. Et là, le président, il me dit « Lola, la France a besoin de vous. Rejoignez-moi tout de suite à l'Élysée. » Mais attends, t'étais pas à l'anniversaire de ta mère hier ? Si. Ouais, en fait, t'as juste assuré ta voiture chez Direct Assurance. Ouais, voilà. Quand on est bien assuré, on n'a pas grand-chose à raconter. Chez Direct Assurance, vous faites en moyenne 230 euros d'économie. Direct Assurance, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Coordonnées et conditions de l'économie sur directassurance.fr. La tragédie de juin 1940. La Wehrmacht était-elle invincible ? We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. En compagnie au loin de Jean Lopez. Vous m'entendez, Jean Lopez ? Oui, bonjour Jean Lebrun, je vous entends. Très bien, parce que il faut du sang-froid pour être un spécialiste de la guerre. On racontait comment le général Weygand, à peine nommé commandant en chef, s'était retrouvé catapulté sur le front du Nord et descendu de son bombardier à la recherche d'une cabine téléphonique. Eh bien, vous, vous aviez installé avec brio l'application Report It, qui est si présente sur les antennes de France Inter, et puis voilà que cette liaison de qualité s'est envolée. Vous avez du sang-froid, Jean Lopez ? Absolument. Hein ? Parce que vous êtes un spécialiste de stratégie, vous avez depuis longtemps la charge, vous êtes l'âme de l'excellente revue Guerre et Histoire, et avec l'équipe de Guerre et Histoire, vous avez publié chez Perrin, c'était l'automne dernier, un très beau livre, très intéressant, un fort album en même temps, consacré à la Wehrmacht. Alors, le charme de vos travaux, Jean Lopez, est d'inscrire les choses dans la longue durée. Alors, je sais que la guerre courte et vive, c'est une spécialité de l'Allemagne. Elle va la réussir en 1939-1940. Et en même temps, c'est une spécialité de l'Allemagne que l'échec, Iéna, 1806, la défaite en 1918. Mais l'armée continue même à partir de 1919, sous la République de Weimar, à bas bruit, à se reconstruire. Oui, effectivement, cette armée allemande a connu quand même un véritable traumatisme en 1918. Le coup de grâce lui sera donné par le traité de Versailles, qui va la réduire à l'état d'armée croupion, une armée minuscule de 100 000 hommes, privée de matériel lourd. Néanmoins, elle va tenter, avec des moyens légaux et non légaux, de se reconstruire et de reconsidérer les bases sur lesquelles et les causes pour lesquelles elle a été battue en 1918. Elle va donc devenir essentiellement une armée de cadres, puisque sur 100 000 personnels, elle a 4 000 officiers, c'est beaucoup, et elle conserve plus de 8 000 sous-officiers de carrière qui sont de fait capable de se transformer en officier à l'issue d'un stage de 6 mois. Donc c'est une armée de cadres qui va intensément réfléchir aux raisons de sa défaite, qui va imaginer des matériels qu'elle n'a pas encore les moyens de construire, et qui va se trouver très vite à l'Est un grand allié, plus ou moins clandestin, qui va lui permettre de procéder à un certain nombre d'expérimentations. Vous avez compris que je faisais allusion à l'Union soviétique de Staline. Jean Lopez, je vous propose un code, je crois que c'est le code dans les conversations militaires. Quand je vous donne la parole, je mets votre nom à la fin de ma question. Ce qu'on va entendre ici, c'est un son qui témoigne de la continuité de la caste des officiers prussiens élargis à l'Empire d'Allemagne et dont la République de Weimar ne s'est pas débarrassée. Ce corps pouvait être renouvelé par la bourgeoisie, il était souvent constitué d'aristocrates qui avaient une certaine liberté d'initiative. Un des derniers chefs d'état-major de la République de Weimar, c'est Hammerstein, qui a été le héros d'un roman de l'écrivain allemand Hans Magnus Enzensberger. Il a quitté son poste au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Au début de la dictature de Hitler, Hammerstein tout de suite a décidé qu'il ne va pas, participer dans cette entreprise de Hitler. C'était le seul général important de l'armée qui a fait cette décision tout de suite, le jour même. Et alors, ça, ce n'est pas parce que c'était un héros, il était incapable. Aussi parce qu'il était très intelligent, il avait beaucoup de clairvoyance. Il a dit, même en 1933, ça va faire une guerre avec les Russes, que l'Allemagne va perdre, et l'Allemagne, comme nous la connaissons, va disparaître. C'est la fin finis Germanie. Il a dit, et je ne vais pas faire part de cette opération. Il a pris la retraite. Et puis après, il était avec tout le contact avec les conspirateurs, la résistance. Deux de ses fils étaient dans les complots contre Hitler le 20 juillet. Et deux de ses filles, parce que toute la famille est remarquable, faisaient l'espionnage pour la Comintern, pour les Russes. Dans ces milieux-là, c'est vraiment un cas assez exceptionnel. Alors dans cette émission sur le fil, il y aura un deuxième code. Chaque fois qu'un son aura été diffusé, on peut être assuré que l'invité dira « Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Même Hammerstein n'est pas le cas exceptionnel qu'on dit, Jean Lepez. » c'est tout de même, je ne vais pas être entièrement négatif, c'est tout de même un personnage un peu particulier. Ceci dit, c'est quand même chez lui et à son initiative qu'Hitler est invité le 3 février 1933, 4 jours après qu'il ait été appelé à la tête de la chancellerie allemande. Et c'est devant Hammerstein et un aréopage de généraux de la Reichswehr que Hitler va entreprendre une vaste opération de séduction et vient chercher l'accord de cette Reichswehr à ses objectifs de politique intérieure qui sont une mise au pas, une destruction du mouvement ouvrier, une remilitarisation des esprits, notamment de la jeunesse. Et c'est aussi devant eux qu'il va annoncer que l'avenir de l'Allemagne se trouve à l'Est. À ma connaissance, Hammerstein, pas plus que les autres officiers présents, ne s'est récrié d'horreur et d'inquiétude devant ce programme. Pour une raison simple, c'est que, grosso modo, il est d'accord avec ce programme. Que sa fille ait été un agent d'une Comintern, c'est certain. Elle est la maîtresse du responsable du renseignement du Parti communiste allemand. Et c'est par son intermédiaire que Staline aura 8 jours après cette fameuse réunion du 3 février 1933 dans la salle à manger des Hammerstein. C'est par l'intermédiaire de cette jeune fille que Staline aura le verbatim de la réunion. Mais à ma connaissance également, le général n'était pas du tout au courant, en 1933, des activités délictueuses de sa fille. Simplement, il est, comme un certain nombre d'officiers, un peu gêné par Hitler qui veut aller trop vite, qui ne veut pas seulement des victoires militaires, mais un espace vital, voire une guerre d'extermination. J'avais envie de vous citer Georges Bernanos. Hitler n'a pas du tout le visage d'un homme rassasié, il ne s'arrête jamais, car depuis son début, il lui manque tout, il est parti très bas. Quand il aura tout, il sera encore persuadé de n'avoir rien. Il y a quand même une différence dans la conception de la guerre entre les officiers qui acceptent de travailler sous les ordres d'Hitler et Hitler, Jean Lepez. Il n'y a pas de différence sur les objectifs finaux. Il s'agit de reconquérir la grandeur de l'Allemagne, sa place centrale. Il s'agit de la mettre à l'abri d'un nouvel échec comme celui de 1918 et donc de lui donner les moyens économiques de mener une guerre longue. Là-dessus, il n'y a pas de hiatus important entre Hitler et ses généraux. Là où les choses coincent, jusqu'en 1938 et même jusqu'en 1940, c'est sur le rythme que Hitler entend imposer à son action de réarmement et à son action diplomatique. Il prend, pense la majorité des généraux, il prend trop de risques. Et ce faisant, il place l'Allemagne probablement devant la nécessité d'avoir à faire la guerre trop tôt. C'est donc un problème, c'est pas un problème d'objectif, c'est un problème de temps, d'échelle de temps qui oppose des hommes comme Beck, qui sera le successeur d'Hammerstein à la tête de l'état-major, général de l'armée de terre, et Hitler. 1935, vous avez parlé du plan de réarmement, c'est aussi l'extension de la conscription, et ça, au fond, les officiers allemands ne sont pas contre. Les officiers allemands se démocratisent d'une certaine manière avec le nouveau recrutement imposé par le parti nazi. Le réarmement permet de mettre l'accent sur l'aviation, alors que la France reste en retard dans ce domaine. Et il y a un lieu d'expérimentation, 1936, c'est la guerre d'Espagne, avec notamment l'établissement à l'aide des avions allemands d'un pont aérien entre le Maroc, où sont les troupes nationalistes de Franco et de ses amis, et la péninsule ibérique qui reste républicaine. Jean Lopez. Oui, en effet, Hitler, alors qu'il est au festival de Bayreuth, décide littéralement en 2 heures d'intervenir en faveur de Franco et notamment de lui prêter ses trimoteurs de transport JU-52 pour permettre le passage d'un certain nombre d'unités stationnées au Maroc, d'unités de professionnels, et les laisser passer, les faire passer en Espagne ibérique, dans la péninsule ibérique. C'est d'autant plus important que les républicains, eux, avaient le contrôle de la marine et qu'ils étaient donc en mesure d'interdire un passage par la mer. C'est donc un premier service important qui était rendu aux nationalistes de franquistes. Les cadors de la Condor, on va les retrouver dans la guerre en Pologne, puisque c'est en septembre 1939, autour de la Pologne, que la guerre se déclenche. Et en un mois, on va entendre un commentaire des actus cinématographiques de France. En un mois, la situation est gagnée par Hitler. L'agression est commencée. Le premier règle polonais arraché. Les barrières symboliques des frontières sont ouvertes. Les impressions de M. Noël, notre ambassadeur à Varsovie, sont les plus sûrs commentaires des images de cette guerre. Les causes de la défaite de la Pologne, exprime-t-il, sont avant tout dans la supériorité écrasante du matériel allemand. Pour la première fois, les divisions blindées jouaient un rôle essentiel. L'infanterie allemande n'a joué qu'un rôle d'occupation. Les troupes polonaises ont résisté avec héroïsme, mais elles étaient impuissantes contre les engins blindés. L'analyse ici reproduite est donc signée Léon Noël, l'inusable Léon Noël qu'on retrouvera signataire de l'armistice en 1940 et plus tard, je ne sais comment, président du Conseil constitutionnel de la Ve République sous le général de Gaulle. Mais passons, on entend Léon Noël faire dire que l'infanterie n'a eu qu'un rôle secondaire, que tout a été joué par les panzers. Vous êtes l'homme qui dit non à nos sons, Léon Noël. Jean Lopez, pardon. Oui. J'ai beaucoup de respect pour Léon Noël, mais là, son analyse est trop hâtive. Il a été abusé, comme beaucoup à l'Ouest, par les images de propagande tournées par les Allemands eux-mêmes et qui nous montrent successivement en action les chars et l'aviation allemande. En réalité, le gros du travail dans la campagne polonaise a été fait par les bonnes vieilles divisions d'infanterie légèrement modernisées, mais pas beaucoup. Les blindés ont eu beaucoup de déboires et la liaison entre l'aviation et les blindés a été quasiment inexistante. En réalité, les Polonais ont perdu parce que leur situation stratégique de départ est quasiment impossible. Ils ont décidé de défendre la totalité de leur territoire, ce qui était bien au-delà de leur capacité. Il y a donc là, Léon Noël fait un peu, en quelque sorte, le héros de la propagande Goebbels en nous projetant l'image d'un couple blindé aviation absolument invincible, ce qui n'est pas du tout le cas en 1939. Ne pas croire toujours la propagande allemande, même si elle est bien organisée. Nous voilà maintenant dans le face-à-face de la drôle de guerre, la ligne Siegfried en face de la ligne Maginot, la ligne Siegfried dans laquelle sont plantés des haut-parleurs qui diffusent des informations, tandis que des radios noires. Il y a même une radio à Stuttgart animée par Ferdonnet qui émet en français « Donne des fake news », dirait-on aujourd'hui. Voici Fernandel. Méfie-toi, ma Francine, de tous les potins du quartier, des ragots de la voisine, des cancans du laitier. Par-dessus tout, ma belle, ne va pas t'alarmer de chaque fausse nouvelle, des gens bien informés. Faut pas, faut pas Francine. Écoutez les racontards des badauds par trop bavards. Faut pas Francine, te laisser embobiner par les bobards. Ne crois pas qu'Hitler soit mal avec Staline et que les Boches aient bombardé Madagascar. Faut pas Francine, te laisser dégonfler par les âneries des canards. Méfie-toi, je te le demande, la TSF a des dangers, de la sale propagande, des speakers étrangers. Si parfois tu dégotes Stuttgart à la radio, dis-toi que tu serais idiote d'en croire un traître mot. Faut pas Francine, écouter les racontards du salopard de Stuttgart. Faut pas Francine, te laisser embobiner par ces bobards. Quand je pense qu'il veut faire croire, quand il jaspine, que c'est un bon français de Barbès Rochechouart. Faut pas Francine, te laisser dégonfler par ces discours nazis. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Avec Jean Lopez, le rédacteur en chef de Guerre et Histoire, qui avec son équipe a publié la Wehrmacht aux éditions Perrin à la fin de l'année passée, nous posons la question, la Wehrmacht est invincible. Et pour une fois, Jean Lopez est d'accord avec un son qui a été choisi par Martin Pénet dans notre sélection de chansons. Il n'a pas tort, Fernandel, la Wehrmacht n'est pas invincible, Jean Lopez. Non, elle n'est pas invincible du point de vue du nombre des hommes, ni même du point de vue du nombre et de la qualité des matériels, avec tout de même une exception importante dans le domaine de l'aviation. Néanmoins, avec ce que les Français, les Britanniques et leurs alliés belges possédaient, les choses auraient pu se passer autrement. En réalité, le grand atout des Allemands, et ce qui explique essentiellement leur victoire, c'est l'adoption d'un plan d'opération qui présentait un nombre de risques extraordinaires, qui a pris tous les risques, mais qui était certain, s'il fonctionnait, d'avoir un rapport énorme. Alors, on va s'arrêter un instant sur ce thème du plan, Jean Lopez. Un instant, un moment, les Allemands ont été tentés de refaire le plan Schlieffen, qui était un chef d'état-major autour de 1900 de l'armée allemande d'autrefois, et qui prônait la liquidation de l'armée française avec des gestes décisifs, une action primordiale en l'espace de 6 semaines. Et puis ce plan, il a été découvert, il a fallu en choisir un autre. Et est venu le plan Manstein. Alors là, je vous prie de pas réagir tout de suite, Jean Lopez. Hitler a fait sien, s'il faut en croire en tout cas, cet historien militaire allemand que vous citez souvent, Karl Heinz Frieser. Les Allemands se sont lancés dans quelque chose de complètement fou. Selon le plan du général von Manstein, ils ont attaqué avec leurs chars en passant par les forêts des Ardennes, ce qui a pris les Alliés au dépourvu. Par ailleurs, c'était la première fois qu'on employait l'arme blindée à des fins opérationnelles. Alors que les Alliés avaient disposé plus de 4200 chars tout le long du front, les Allemands ont concentré leurs 2400 chars dans les Ardennes. Ils y ont fait une percée et ont ainsi provoqué l'effet de surprise voulu. L'idée du coup de faucille de Manstein était si stupéfiante. Elle paraissait tellement insensée qu'on peut la comparer à la traversée des Alpes par Hannibal et ses éléphants. Cela relevait davantage de l'imagination d'un Jules Verne que du raisonnement méthodique et minutieux d'un général allemand. Et c'est aussi pour ça que l'effet de surprise a été si grand. Le général von Manstein a été à la fois le concepteur et la première victime de ce plan. Il a en effet été remplacé parce qu'on a jugé son plan extravagant et trop risqué. Plus tard, la propagande nationale socialiste va attribuer à Hitler l'idée du coup de faucille. En réalité, Hitler s'est approprié cette idée sans même vraiment la comprendre. Eh bien non, c'est pas tout à fait exact. Je devine ce que va dire notre invité à distance, Jean Lopez. Et en effet, là, Freezer ne rend pas justice à Hitler, qui a toujours été mal à l'aise avec le plan très classique que lui avait proposé Halder, le chef d'état-major de l'armée de terre, et qui était grosso modo une reprise du plan de 1914. Il savait que ce plan avait toutes les chances d'aboutir à nouveau à une guerre des tranchées, à une guerre d'attrition, que l'Allemagne n'a pas les moyens d'emporter. Il était à la recherche de d'autres choses, à plusieurs reprises. Dès le mois d'octobre et novembre 1939, il indique sur carte à Halder et aux gens de l'OKV, donc à Keitel et à Jodl, il indique qu'il existe une autre solution, que l'on devrait plutôt chercher du côté du sud, au sud de Namur, du côté de Sedan. Plusieurs fois, son doigt se pose sur Sedan. Mais ce n'est qu'une intuition. C'est une intuition juste, mais ce n'est qu'une intuition. Ça n'est pas un plan d'opération. C'est Manstein qui, de son côté, conscient également du fait que le plan classique qui est proposé ne risque d'aboutir à un enlisement, qui va travailler en détail le fameux coup de faucille, d'ailleurs sans le mener jusqu'au bout. Hein. Pour l'instant, il contente de penser, de poser l'hypothèse que l'on peut traverser la Meuse à Sedan et tomber sur les arrières des franco-britanniques. Il ne sait pas qu'Hitler a avancé cette solution en termes purement intuitifs. Et Hitler ne sait pas que Manstein a développé sur le papier et en détail ce qui deviendra le coup de faucille. C'est le hasard d'une discussion entre Schmunt, qui est l'aide de camp d'Hitler, et Manstein, qui va réunir et mettre en présence Manstein et Hitler. Et Hitler, en un instant, contrairement à ce que dit Freezer, comprend parfaitement l'implication du plan de Manstein. C'est la percée des Ardennes, c'est le levier qui va permettre d'écraser la France en quelques semaines. Hitler comprend tout de suite les implications stratégiques et politiques du plan qui lui est proposé par Manstein. Alors vous mettez l'accent sur l'intuition de Hitler, et puis aussi sur les capacités d'initiative, comment dire, des chefs de division, des chefs de corps. Et vous expliquez qu'en revanche, les officiers généraux supérieurs sont davantage timorés, Jean Lepez. Oui, ce plan met mal à l'aise. Alors Halder, qui était très opposé au départ à ce plan, va s'enflammer pour lui et va probablement être celui qui va essayer de le pousser dans ses plus extrêmes conséquences. D'autres généraux, je pense à von Rundstedt, qui commande le groupe d'Armée, sont beaucoup plus réservés. D'autres encore, comme von Leeb, pensent que ça ne peut pas fonctionner. L'armée française n'est pas l'armée polonaise. Le territoire est quadrillé par des systèmes de défense impénétrables. L'armée française a une réputation excellente. Il y a vraiment... on a deux armées allemandes. On a ceux qui pensent que ce plan va marcher, et ceux comme autour de Manstein et de Halder qui pensent que ça peut fonctionner. Et un des secrets de la réussite du plan allemand, c'est effectivement au niveau des corps d'armée et des divisions que des gens comme Guderian ou Kleist vont pousser la logique de ce plan jusqu'au bout. Le bout, c'est la Manche. C'est arriver à l'embouchure de la Manche, sur les ports de la Manche, et bloquer, cadenasser le groupe d'armée français, l'ensemble du corps expéditionnaire britannique et toute l'armée belge dans la nasse du Nord. Mais ce sur quoi vous insistez, qui va paraître paradoxal à nos auditeurs, c'est qu'il y a une tradition de l'initiative, voire de la désobéissance chez les officiers, et ce depuis l'effort pédagogique prussien de Frédéric II, peut-être, Jean Lepez. Oui, il y a... C'est très difficile d'expliquer pourquoi. C'est probablement en rapport avec un certain nombre de caractéristiques du système d'enseignement prussien qui insiste énormément sur la prise de responsabilité individuelle, la prise de risque également, et le fait que chacun doit s'approprier la mission qui lui est confiée et trouver par lui-même, par la réflexion personnelle, les moyens de remplir cette mission. On appelle ça, les Allemands appellent ça Auftragstaktik, et c'est quelque chose qui, au début de la guerre tout au moins, parce qu'il faudrait pas la pousser trop loin cette idée non plus, qui va tolérer que des prises d'initiative très importantes soient opérées au niveau des chefs de division et de corps. C'est le cas de Guderian qui va très souvent en France puis en Union soviétique finasser avec les ordres, les interpréter dans le sens qu'il croit être le bon, voire parfois faire la sourde oreille à ce qui ne lui convient pas. On a donc ce paradoxe d'une armée qui a toujours été présentée comme un parangon de discipline, c'est-à-dire des officiers, toujours avec le petit doigt sur la couture du pantalon, qui en réalité vont être souvent mis en situation de désobéissance. Ma dernière question, va porter sur le comportement des officiers et des soldats allemands pendant cette campagne de France, pas le comportement militaire et stratégique. Vous disiez que les Allemands avaient du respect pour l'armée française. La Wehrmacht a-t-elle été propre pendant la campagne de France, Jean Lepez ? Elle a été propre si on compare avec la campagne de Pologne, où déjà elle s'est signalée par un certain nombre de crimes de guerre, et a fortiori avec la campagne d'Union soviétique qui suivra l'année d'après, où là, la Wehrmacht s'est abîmée dans un océan de crimes sans fond. Ça, c'est, si vous voulez, par comparaison, on peut dire que la campagne de France a été relativement propre. Néanmoins, on soulignera que les SS ont exécuté dans le Nord plusieurs dizaines de soldats britanniques prisonniers et que d'autres unités fusilleront de façon sommaire plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais de l'armée française, de nos divisions d'infanterie coloniale, pour venger le mauvais souvenir qu'avait laissé la présence de ces unités pendant l'occupation de la rive gauche du Rhin entre 1919 et le début des années 30. Donc propre, oui, par comparaison avec ce qui a précédé et ce qui a suivi, mais dans l'absolu, non, déjà une tendance à laisser transparaître une haine raciale et un certain mépris pour l'ennemi vaincu. On retrouve cet océan de haine sans fond, comme vous dites, dans un autre livre que vous venez de publier chez Passé Composé, qui est consacré à l'opération Barbarossa. Si je redonne votre nom, Jean Lepez, c'est pas pour vous donner l'autorisation de revenir, mais pour me permettre de citer La Wehrmacht, le livre chez Perrin que vous avez consacré avec votre équipe de l'excellente revue Guerre et Histoire. Bon, ben voilà, on y est arrivé, hein. Affirmatif, comme on dit dans l'armée. Ah, oui, comme on dit, 5 sur 5. Eh ben, vous voyez, je comprends pas pourquoi ça s'est effondré tout à coup, mais bon. Rien ne s'est effondré, j'ai le temps de faire la désannonce. Juliette Gou, Audrey Ripouille, Hélène Kouyoumjian, Fabrice Desmaz et puis l'équipe de la Marche de l'Histoire à distance, Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin.